j'attends de bon matin, avec ces trois notes à la main. Je t'attends comme la rosée. Je t'attends de bon matin, avec ces trois fleurs à la main. Je t'attends comme un parfum. Je t'attends comme on attend le jour, mon amour, mon amour. J'attends le jour de ton. Je t'attends, j'attends, j'ai froid, j'ai faim. Je t'attends comme le bon pain. Je t'attends dans la ruelle, depuis que tu t'es fait la belle. Et mon attente est éternelle. Je t'attends comme on attend le jour. Regarde pas le dessert de la même manière. Quand on attend quelqu'un si tôt le matin, est-ce que j'attends longtemps? Je t'attends, le jour se lève enfin. Je te laisse ce refrain. À demain. À demain. À demain.